La délégation du Parti Travail de Corée, conduite par Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, est arrivée par avion le 21 août dans la capitale Windhoek pour la visite en République de Namibie. Le même jour, la délégation qui a participé au 7e congrès du Mouvement populaire de libération d'Angola a quitté par avion la capitale Luanda au terme de la visite en Angola.